Dossier 8, carnet de voyage. Activités 1 et 2. Le livre qui a le plus marqué ma vie, c'est indéniablement L'écume des jours de Boris Vian. C'est par ce livre que j'ai compris ce que voulait dire le mot littérature, en fait. L'écume des jours, c'est un livre à la langue très simple, mais qui est d'une précision extrême. Et moi, ça a été très fort, au point effectivement que quand j'ai changé de nom en devenant écrivain, j'ai emprunté directement le prénom à l'héroïne de ce livre. Et pour moi, c'est vraiment une sorte de... Alors, sans aucune affectation, et très certainement, j'en suis convaincu, Les fleurs du mal de Baudelaire. Alors, pourquoi et comment ? Je devais avoir 14-15 ans. Je venais à peine de commencer à maîtriser le français, puisque je suis arrivé à l'âge de 10 ans de Yougoslavie. J'avais découvert, évidemment, entre-temps, en arrivant en France, la bande dessinée francophone, bien sûr. Mais j'ai eu un choc, vraiment un véritable choc. Peut-être l'agencement des mots, peut-être le premier poète que je découvrais en langue française, l'agencement des mots, des mots que je ne comprenais pas forcément tous. Hein. Il y avait comme ça donc une interrogation, une envie d'en apprendre plus, le sentiment de quelque chose de très sulfureux et de quelque chose qui provoquait une envie d'image. Voilà. Ce serait En attendant Godot de Samuel Beckett. Parce que je l'ai joué, c'est un souvenir qui est vraiment bien ancré en moi. J'ai souvent envie de rejouer cette pièce. Et même à la lecture, ce qui n'est pas toujours le cas chez les auteurs dramatiques, même à la lecture, ça laisse des traces. Il y a celui qui m'a donné envie de lire, Les Trois Mousquetaires. Parce qu'avant, je lisais des livres de la bibliothèque rose, bibliothèque verte, et je pensais que je n'aimais pas lire parce que je trouvais ça crétin. Et tout d'un coup, à 8 ans, j'ai lu Les Trois Mousquetaires, et là, la passion de la vie, pas seulement de la littérature, est passée à travers Dumas.